Je vais laisser la parole à Michel Fabre qui travaille sur l'éthique professionnelle des enseignants, sur la place de l'éthique dans la formation des enseignants, ainsi que des recherches en philosophie de l'éducation, de la formation, l'épistémologie des savoirs scolaires, l'épistémologie de la problématisation, et qui est également rédacteur en chef de la revue Recherche en éducation. Merci et bonjour à tous, chers collègues. Alors, je vais essayer de vous retracer quelques réflexions issues du colloque et du symposium et du colloque sur l'éducation au risque du néolibéralisme, hein, puisque au fond c'était l'un des thèmes de ces parmi les neuf qui avaient été retenus pour cette manifestation. Alors à l'origine de cette interrogation sur le libéralisme, il y a un séminaire que l'on conduit l'actuel quadriennal dans l'axe 5 en philosophie de l'éducation sur le thème l'éducation entre aliénation, émancipation et reconnaissance. Donc tout naturellement, la réflexion sur le néolibéralisme est venue dans ce prolongement. Alors je voudrais faire d'abord, en essayant de rendre compte un petit peu de la problématique de notre symposium et de notre colloque, je voudrais faire quelques remarques préliminaires et dire que, bien sûr, le thème du néolibéralisme n'est pas facile à traiter parce que, évidemment, le néolibéralisme est un phénomène massif, englobant. Je ne sais pas si c'est un phénomène social total, comme disent les sociologues. Enfin, il est un phénomène englobant dans lequel nous vivons. Et en parler sur un mode qui soit un mode non idéologique, hein, qui soit un mode scientifique ou philosophique, n'est pas aisé. Hein. Et donc, la question que nous devons poser en parlant du néolibéralisme, de savoir en quoi notre discours permet de comprendre davantage ce qui nous arrive et dans quoi nous sommes impliqués. Alors pour cela, et c'est ma deuxième remarque, il faut probablement situer le néolibéralisme dans l'histoire du libéralisme. Et il y a plusieurs variantes historiques du libéralisme, et le néolibéralisme d'aujourd'hui n'est pas le libéralisme politique de Locke au XVIIIe siècle, n'est pas le libéralisme d'Adam Smith, il n'est même plus le libéralisme de Friedman, c'est autre chose. Donc il faut être précis sur, à quel type, à quelle variété de libéralisme on s'attaque. Et ma troisième remarque, c'est que dans ce phénomène massif du néolibéralisme, il faut pouvoir distinguer sans doute des aspects multiples. Il y a une théorie économique, il y a ce qui relève de l'idéologie néolibérale et ce qui relève de ce que Foucault appelait un éthos néolibéral, c'est-à-dire que le néolibéralisme est porteur d'injonctions et porteur de normes de comportement. Comme la concurrence, l'esprit d'entreprise, la culture du résultat, etc. Alors, ce que nous avons retenu des traits constitutifs du néolibéralisme actuel, c'est trois caractères qui semblent le distinguer des formes de libéralisme précédent. Bon, c'est d'abord la mondialisation du marché, c'est évident, la circulation des marchandises et des biens. On a fait remarquer que c'est plus la circulation des marchandises et des biens que celle des personnes, puisqu'il y a des frontières, elles sont plus pour les personnes que pour les marchandises. Ça, c'est le premier caractère. Et le deuxième caractère, c'est probablement, enfin, peut-être un des plus importants pour nous en éducation, c'est l'extension à toutes les sphères de la société de la rationalité économique, c'est-à-dire de la gestion ou de la reddition des comptes, comme disait Alain Patrick. Même l'État, même l'éducation sont soumis désormais à cet impératif gestionnaire et on peut craindre la disparition de l'autonomie du politique comme tel. Le troisième caractère est évidemment l'avènement d'un capitalisme qui n'est plus un capitalisme entrepreneurial, qui est axé sur la production des biens et des services, mais qui est finalement un capitalisme qui, en dernière instance, pour employer le vocabulaire marxiste, est un capitalisme financier. Alors, en quoi le néolibéralisme fait-il courir des risques à l'éducation? C'est ce qui nous a occupés dans ce colloque. Et en tant que philosophe de l'éducation, nous sommes sensibles aux valeurs. Or, sur le plan des valeurs, il nous semble que le néolibéralisme produit deux sortes de phénomènes. Le premier phénomène que j'appellerais la réduction des valeurs à la valeur économique. C'est-à-dire qu'on va vers un monde unidimensionnel. Ce n'est pas nouveau. L'école de Francfort l'avait dit il y a bien longtemps, et Marcuse en particulier. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les philosophes ont l'habitude de voir la réalité comme hétérogène, pluraliste. On se souvient que dans les pensées, par exemple, Pascal voyait la réalité composée de trois ordres, l'ordre des corps, l'ordre des esprits, l'ordre de la charité, disait-il. Et au fond, il pensait ces ordres hétérogènes et incommensurables. Et au fond, il pensait la tyrannie comme la suprématie et l'écrasement des autres ordres par un ordre fondamental. On pourrait aussi, à partir de Wittgenstein, parler de pluralité des jeux de langage. Il y a le jeu de langage économique, il y a le jeu de langage politique, le jeu de langage scientifique, etc. Et on se souvient que Jean-François Lyotard, dans ce qui était un rapport sur l'état du savoir pour le gouvernement du Québec, en 1976, qui a donné lieu à l'ouvrage « La condition postmoderne ». Jean-François Lyotard disait qu'au fond, ce qui était à craindre, c'était l'écrasement de ces jeux de langage multiples sur un seul jeu de langage, qui était le langage économique. Et il regrettait en particulier, enfin, plutôt, il constatait en particulier que le savoir dans les sociétés comme celle du Québec, qui anticipait la société que nous vivons, le savoir était devenu une marchandise, c'est-à-dire quelque chose qui s'achète, se vend, se stocke dans les bien nommées banques de données, voilà, circule sur le net, et le savoir n'est plus, disait-il, un produit, je dirais, d'une subjectivation, c'est-à-dire n'est plus pensable dans un processus de construction par un sujet qui en même temps se formerait. Ce qui jetait évidemment une interrogation sur le rôle de l'école, si le savoir est extérieur au sujet, si le savoir n'est plus formateur des sujets, alors que devient le caractère formateur du savoir scolaire? Alors, il y a ce premier aspect qui est la réduction de toutes les valeurs à la valeur économique. Mais et donc ce monde unidimensionnel. Mais, deuxième point, cette réduction n'est pas totalement achevée. On ne s'en plaindra pas, parce que ici, d'une part, il y a des résistances, bien sûr, mais d'autre part, et ça, je parlerai là du néolibéralisme européen, en Europe, particulièrement, je ne suis pas assez compétent pour parler des formes de libéralisme qui ont lieu dans l'Amérique du Nord. En Europe, le néolibéralisme a besoin de se légitimer idéologiquement. Il ne peut pas s'affirmer tel que. C'est Christian Laval qui écrit « L'Europe et la France en particulier, la France est traditionnellement un pays où le néolibéralisme ne s'avoue pas franchement, où il se déguise généralement sous des euphémismes, où il emprunte ses formes et son lexique à d'autres domaines ou à d'autres courants de pensée. » Et c'est le deuxième aspect, c'est-à-dire que le néolibéralisme en Europe, pour se légitimer, est obligé de produire, je dirais, un nouveau grand récit. Et Jean-François Lyotard croyait que la postmodernité était la fin des grands récits, avec l'échec du communisme, eh bien, ce qu'on voit se construire sous nos yeux, c'est un grand récit libéral, c'est-à-dire, au fond, un discours de légitimation. Alors, du coup, il y a un deuxième phénomène qui est non plus... Alors, vers cette marche à l'unidimensionnalité, mais qui n'est pas complètement réalisée, il y a un deuxième phénomène qui est l'amalgame entre un discours technocratique, un discours, j'allais dire, cynique. J'ai évoqué ma philosophe préférée, Margaret Thatcher, qui a, au fond, l'art de vendre la mèche, hein, et en même temps, un discours humaniste qui fait passer, je dirais, les valeurs économistes en contrebande. On a donc un discours d'amalgame, hein, qui se produit, dont je donnerai des exemples. Et donc, ceci entraîne une confusion généralisée des valeurs. Voilà, une indifférenciation du symbolique. Qui est donc la tâche, peut-être, sans doute, de la philosophie de l'éducation, c'est d'essayer, au fond, de remettre un petit peu de l'ordre dans le symbolique. Hein. Alors, comme exemple de confusion, on a évoqué, hein, la nouvelle langue de la gestion. Hein. Tout se gère aujourd'hui, les ressources humaines, évidemment, les apprentissages, on gère des apprentissages, et même on gère la vie. Hein. Ne s'agit-il pas désormais de gérer sa vie, voilà, en optimisant la relation coût-bénéfice. Hein. On a évoqué aussi des étudiants qui deviennent des clients. Hein. Confusion, désordre. Hein. Le sommet de la confusion, je crois, apparaît quand Laurence Parisot, qui est la présidente du MEDEF, c'est du syndicat des patrons, arrive en 2005 à la présidence du MEDEF en disant ceci: « Je ne cesse de le répéter depuis 2 ans, nous, les entrepreneurs, nous pouvons être à ce siècle encore tout jeunes ce que les instituteurs ont été en notre Troisième République. L'école était chargée de former le citoyen, c'est désormais à l'entreprise de lui apprendre le nouveau monde. Les instituteurs étaient les messagers de l'universel républicain, les entrepreneurs sont aujourd'hui les porteurs de la diversité de la mondialisation. » Les instituteurs détenaient la clé de la promotion populaire. Nous, les entrepreneurs, nous sommes les moteurs de l'ascension sociale. Comme eux, nous devons contribuer à rendre le monde lisible. Voilà. Ça, c'est quand même le sommet de la confusion des valeurs, parce que jusqu'à présent, on croyait que l'entreprise était chargée de produire de la valeur économique, c'est-à-dire des biens et des services. Eh bien, détrompez-vous, aujourd'hui, l'entreprise est l'instance de... la nouvelle instance, et peut-être la seule, hélas, hein, de production de la valeur éducative. Alors, voilà, donc nous avons travaillé sur ces deux phénomènes-là, l'aplatissement, l'unidimensionnalité du monde avec l'extension de la sphère économique, et en même temps, la confusion des valeurs, hein, qui fait que, au fond, y a un brouillage sémantique qui me semble être le côté idéologique, hein, de légitimation du libéralisme. Alors, est-ce qu'on peut savoir un petit peu quelle est la généalogie de cette confusion des valeurs? Alors, il me semble, mais c'est une hypothèse de travail qui m'est personnelle, hein, je pense que on comprend bien la fabrication de ce discours idéologique à partir de 2 sources du libéralisme européen, hein, qui comptent évidemment dans les politiques publiques aujourd'hui de l'éducation, deux sources de libéralisme européen, je dirais l'ordolibéralisme allemand et la théorie du capital humain. Il me semble que l'ordolibéralisme allemand et la théorie du capital humain sont, je dirais, peut-être parmi d'autres, je n'ai pas prétention d'être exhaustif, mais sont à la source de cette économie de la connaissance, hein, qui lie connaissance et croissance dans les pays européens. Et donc, on voit s'esquisser 2 schèmes de pensée, que j'appellerais le schème de compensation, qui vient de l'ordolibéralisme, et le schème de convertibilité des valeurs, qui vient de la théorie du capital humain. Le schème de compensation, il vient de l'ordolibéralisme. Quand la société allemande doit se reconstruire après la dernière guerre mondiale, la revue Ordo, hein, avec les économistes de Fribourg, décide de reconstruire la société sur la seule valeur qu'ils estiment stable à l'époque, c'est le marché. Et ils vont construire la société allemande sur l'économie de marché en chargeant l'État de garantir la concurrence juste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'État se mêle du marché, Il ne faut pas qu'il intervienne dans le marché, mais il faut qu'il se borne à garantir la concurrence juste. On voit donc le deuxième aspect. Alors je suis l'analyse de Michel Foucault. Là, c'est pas très original ce que je raconte. Le deuxième aspect de l'ordolibéralisme, c'est de reconstruire la société allemande, c'est-à-dire le tissu social. Et donc, pour compenser les valeurs froides du marché, il faut trouver des valeurs chaudes de l'humanisme. Et la synthèse va être l'esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise va réconcilier les valeurs froides du marché et les valeurs chaudes de l'humanisme chrétien et de l'humanisme, de l'idéalisme allemand, à savoir l'esprit de responsabilité, l'esprit d'initiative, etc. Donc ça va être une politique de la société qui va conquérir progressivement la politique allemande, aussi bien la démocratie chrétienne que la démocratie sociale, et il va avoir une grande influence sur la construction de l'Europe, on le voit encore aujourd'hui, puisque au fond, dans le couple franco-allemand, eh bien, on a bien l'impression quand même que c'est l'ordolibéralisme allemand qui mène le train. La deuxième problématique vient de quelque chose d'un libéralisme plus ultra, qui me paraît être beaucoup plus radical, qui est la théorie du capital humain, avec deux idées. Bon, d'abord, le capital, c'est la matière grise, c'est le plus important. C'est ça qui permet l'innovation. C'est ce qui permet au capitalisme de surmonter les crises, de faire mentir Marx et le dépérissement du capitalisme. Donc, l'innovation, donc liée la théorie, le capital humain est lié évidemment à la société de la connaissance. Et puis la deuxième idée quand même de cette théorie du capital humain, c'est l'idée de la convertibilité absolue de toutes les valeurs. C'est-à-dire qu'au fond, l'économie devient, dit Becker, la nouvelle psychologie. C'est-à-dire que le comportement humain, dans tous ces aspects, que ce soit faire des enfants, faire des études, se garer au parking en décidant de savoir si on met son euro dans le parking ou si on encourt le risque d'avoir une contravention, tout ceci est l'objet d'un calcul économique. Et donc tous les comportements humains, toute la psychologie est une psychologie du comportement économique, de l'homo calculator. À partir de là, vous comprenez bien qu'il y a une convertibilité absolue des valeurs, si bien que, au fond, d'une part, les valeurs humanistes sont traductibles en valeurs monétaires, finalement, et les valeurs monétaires sont retraductibles en valeurs humanistes. À partir de là, il y a un schéma de convertibilité générale. Alors, il me semble que ces deux schémas de compensation et de convertibilité des valeurs sont ceux qui créent, ce sont les schémas qui créent cette idéologie du niveau libéralisme, qui amalgame une rhétorique humaniste et une rhétorique, je dirais, technocratique. Voilà. Alors, je ne sais pas. 5 minutes. Juste pour évoquer 3 exemples, parce que je ne veux pas rester complètement abstrait. Alors, premier exemple, l'esprit d'entreprise. J'évoquais tout à l'heure le discours de Laurence Parisot. Il y a toute une littérature qui se produit aujourd'hui, qui est une littérature qui essaie de promouvoir l'esprit d'entreprise comme nouvel avatar de la Bildung. C'est-à-dire qu'au fond, l'esprit d'entreprise, vous voyez, on joue sur l'entreprise comme substantif, c'est-à-dire l'entreprise comme productrice de valeur économique, et le verbe entreprendre, qui est beaucoup plus large et qui renvoie à, au fond, une conception humaniste, l'esprit d'initiative, la responsabilité, etc. À quand le trader, nouvel avatar du héros moderne, celui qui prend des risques, l'aventure, voilà. Bon, oui, bon, c'est l'esprit d'entreprise, et on sait que l'esprit d'entreprise est une des 7 compétences qui est, au fond, mise en avant par l'OCDE et puis les politiques européennes. Deuxième exemple, alors justement, ce qu'on pourra appeler, alors je ne sais pas s'il faut appeler l'idéologie des compétences, en tout cas, la montée des compétences dans le discours éducatif aujourd'hui. Et là, on a l'exemple d'une polysémie, d'une polysémie qui confine à la confusion des valeurs, parce que dans la compétence, vous avez tout et n'importe quoi. Vous avez, à mon avis, une idée profonde qui vient du pragmatisme américain, selon lequel on ne peut plus distinguer entre la théorie et la pratique. Et donc, tout ce qu'on appelle la théorie, les savoirs théoriques sont des pratiques. Voilà, pratiques. S'y connaître en philosophie, c'est savoir pratiquer la lecture, l'écriture, etc. Donc il n'y a que des pratiques, et par conséquent, ça doit changer quelque chose dans la conception de l'apprentissage et de l'enseignement. Mais ces compétences sont retraduites dans une psychologie behavioriste, qui morcelle les apprentissages et servent, et évidemment aussi, sont récupérées par une espèce d'idéologie mercantiliste où il s'agit finalement de promouvoir du savoir immédiatement utile. Voilà. Donc, il y a un brouillard sémantique autour de l'idée de compétence, si bien que vous ne pouvez plus critiquer les compétences parce que vous ne savez plus, parce que à toute objection, on peut vous répondre si vous accusez de mercantilisme, on vous répondra mais Olivier Reboul a bien inventé une pédagogie de la compétence, et vous n'allez pas dire qu'Olivier Reboul, grand humaniste français, est quand même un adepte du néolibéralisme. Voyez, donc en fait, il y a un jeu de cache-cache sémantique qui rend complètement inefficace l'attaque frontale. Le troisième exemple, j'ose à peine le... Ah, j'y vais ou j'y vais pas? Bon, allez. La proximité de la retraite me rend passablement libre, si vous voulez. Je crois, le troisième exemple, je l'évoquerai dans la politique actuelle de la recherche universitaire. Voilà. Nous nous sommes habitués assez vite. Alors, les Canadiens, évidemment, depuis longtemps, mais en France, très récemment, nous nous sommes habitués d'une manière assez rapide au fait que, eh bien, la politique d'harmonisation, de régulation de la recherche universitaire se fasse sous le modèle de l'appel d'offres et du contrat. Voilà. Nous avons admis comme, je dirais, sans trop nous étonner, que des logiques de marché soient les seules capables de réguler la recherche universitaire. Et nous sommes passés d'une logique... Alors, nous avons interprété l'excellence non plus en termes d'épreuves, c'est-à-dire que, vous voyez, la thèse d'État d'autrefois où le professeur arrivait un peu fatigué à la fin, mais il avait produit son chef-d'œuvre. Et c'était ça qui comptait, et c'était ça qui faisait la reconnaissance. Aujourd'hui, la reconnaissance tend exclusivement à consister dans la compétition pour remporter le prix, c'est-à-dire remporter l'appel d'offres. Voilà. Nous sommes passés d'une logique de l'épreuve et du chef-d'œuvre à une logique de la compétition. Voilà. Et ça aussi... Alors, cette compétition, évidemment, doit se justifier par un grand récit, qui est le grand récit sportif. Ah oui, la compétition, ben oui, nous sommes les meilleurs, nous avons remporté le prix dans une concurrence juste. Voilà. Et au fond, on passe... Le chercheur devient... un entrepreneur devient quelqu'un qui doit rapporter de l'argent à son laboratoire. Mes collègues me reprochent assez souvent de ne pas rapporter assez de dollars ou d'euros. Eh bien, voilà, c'est-à-dire que la convertibilité de valeur fait que... Qu'est-ce que c'est qu'un bon chercheur? C'est celui qui rapporte de l'argent. Et qu'est-ce que c'est que... Et s'il rapporte de l'argent, alors c'est un bon chercheur. Vous voyez, convertibilité des valeurs. Et puis, compensation. Parce qu'évidemment, il y a la valeur froide du marché, il y a la compétition... Mais la valeur chaude, c'est nous avons gagné. L'équipe, notre équipe, nous autres, entre nous, sommes les meilleurs, nous avons gagné. Valeur chaude, voilà. Les logiques de compensation et de convertibilité-valeur jouent à plein. Voilà. Et c'est ce qui fabrique ce grand récit néolibéral. Merci.